Chapitre 13e. Sombre rêve. Robert Dudley quitta Southampton par le train-poste et entra dans son appartement juste comme l'aube se glissait, froide et grise, dans les chambres solitaires, et que les canaris commençaient à secouer faiblement leurs plumes avec le jour naissant. Il y avait plusieurs lettres dans la boîte derrière la porte, mais il n'y en avait aucune de George Talboys. Le jeune avocat était harassé par une longue journée passée à courir d'un endroit à un autre. La paresseuse monotonie habituelle de sa vie avait été rompue comme elle ne l'avait jamais été pendant 21 années tranquilles et qui s'était passée sans embarras. Son esprit commençait à devenir confus par rapport au temps. Il lui semblait que des mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait perdu de vue George Talboys. Il était si difficile de croire qu'il y avait moins de 24 heures que le jeune homme l'avait laissé endormi sous les sols, sur le bord du ruisseau aux truites. Ses yeux étaient horriblement fatigués, faute de sommeil. Il chercha dans les chambres pendant quelque temps, furetant dans toutes sortes d'endroits impossibles pour trouver une lettre de George Talboys, et puis se jeta sur le lit de son ami, dans la chambre aux canaries et aux géraniums. « J'attendrai la poste de demain matin, » dit-il, « et si elle ne m'apporte pas de lettre de George, je partirai pour Liverpool, sans un moment de retard. » Il était complètement épuisé et tomba dans un lourd sommeil, un sommeil profond sans être réparateur, car il fut tourmenté tout le temps de rêves désagréables, rêves qui étaient pénibles, non parce qu'ils avaient quelque chose d'horrible en eux-mêmes, mais à cause du sens vague et accablant de leur confusion et de leur absurdité. Dans un moment, il poursuivait des gens étranges et pénétrait dans d'étranges maisons, faisant des efforts pour démêler le mystère de la dépêche télégraphique. Dans un autre, il se trouvait dans le cimetière de Ventnor, examinant la pierre tumulaire que George avait commandée pour le tombeau de sa femme. Une fois, dans les longues divagations de ses rêves mystérieux, il approcha de la tombe et trouva cette pierre tumulaire absente. Il en faisait des remontrances au maçon, et l'homme lui disait qu'il avait eu un motif pour enlever l'inscription, un motif que Robert connaîtrait quelques jours. Il se réveilla en sursaut de ses rêves, et découvrit que quelqu'un frappait à la porte la plus extérieure de l'appartement. C'était une matinée triste et humide. La pluie battait contre les fenêtres, et les canaris gazouillaient tristement entre eux, se plaignant peut-être du mauvais temps. Robert n'aurait pu dire pendant combien de temps la personne avait frappé. Il avait entendu le bruit en rêvant, et lorsqu'il s'éveilla, il avait seulement à moitié conscience des choses extérieures. « C'est cette stupide Mrs. Maloney. Je le parierai, » murmura-t-il. « Elle peut frapper de nouveau car je m'en soucie fort peu. » Pourquoi ne se sert-il pas de sa double clé, au lieu d'arracher un homme de son lit lorsqu'il est à demi-mort de fatigue? La personne, quelle qu'elle fût, frappa de nouveau et puis cessa, apparemment dégoûtée. Mais environ une minute après, une clé tourna dans la serrure. « Elle avait donc sa clé sur elle tout le temps, » dit Robert. « Je suis vraiment enchanté de ne m'être pas levé. » La porte entre le salon et la chambre à coucher était à demi-ouverte. Et il pouvait y voir remuer la femme de ménage, époustant les meubles et remettant en ordre des objets qui n'avaient pas été dérangés. « Est-ce vous, Mrs. Maloney ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. » « Alors pourquoi, bonté de Dieu, faisiez-vous ce tapage à la porte lorsque vous aviez autre clé sur vous ?»« Du tapage à la porte, monsieur. »« Oui, un infernal tapage. »« Pour sûr, je n'ai jamais frappé, monsieur Audley. »« Je suis entré directement avec la clé. »« Qui y a frappé alors ?» Il y a eu quelqu'un qui a fait du bruit à cette porte pendant un quart d'heure au moins. Vous devez l'avoir rencontré descendant l'escalier. Mais je suis presque en retard ce matin, monsieur, car j'ai été d'abord dans la chambre de monsieur Martin et suis venu directement de l'étage au-dessus. Alors vous n'avez pas vu quelqu'un à la porte ou dans l'escalier? Pas âme qui vive, monsieur. Fut-il jamais quelque chose d'aussi contrariant? Dit Robert. Pensez que j'aurais laissé cette personne s'en retourner sans m'inquiéter de savoir qui elle était ou ce qu'elle voulait? Comment faire pour savoir si ce n'était pas quelque porteur d'un message ou d'une lettre de George Talboys? Si cela est, monsieur, assurément on reviendra, dit Mrs. Maloney, cherchant à le consoler. Oui, sans doute, si c'est quelque chose d'important, on reviendra, murmura Robert. Le fait est que du moment où il avait trouvé la dépêche télégraphique à Southampton, tout espoir d'entendre parler de George avait disparu de son esprit. Il sentait qu'il y avait quelque mystère qui enveloppait la disparition de son ami, quelque trahison envers lui-même ou envers George. Pourquoi le vieux beau-père, rapace du jeune homme, n'aurait-il pas essayé de les séparer en raison du dépôt d'argent placé entre les mains de Robert Audley, Oui, pourquoi? Puisque même en ces temps de civilisation, toutes sortes d'horreurs qu'on ne soupçonnait pas sont constamment commises. Pourquoi le vieillard n'aura-t-il pas fait tomber George dans un piège à Southampton? Et n'en aurait-il pas fini avec lui, afin d'entrer en possession de ses 20 000 livres laissés en dépôt à Robert, pour l'usage du petit George? Mais aucune de ces suppositions n'expliquait la dépêche télégraphique, et c'était la dépêche télégraphique qui avait rempli l'esprit de Robert d'un vague sentiment d'alarme. Le facteur n'apporta pas de lettre de George Talboys, et la personne qui avait frappé à la porte de la chambre n'était pas revenue entre 7 et 9 heures. Aussi Robert Audley quitta-t-il Figtree Court, encore une fois, à la recherche de son ami. Pour lors, il dit à un cocher de cab de le conduire à la station de Houston, et au bout de 20 minutes, il était sur la plateforme du chemin de fer, prenant des informations sur les trains. L'express pour Liverpool était parti une demi-heure avant qu'il atteignît la station, et il avait à attendre 1 heure et quart qu'un train ordinaire l'emporta à sa destination. Robert Audley s'irrita cruellement contre ce retard. Une demi-douzaine de bâtiments pouvaient mettre en mer pour l'Australie pendant qu'il errait çà et là sur la longue plateforme, heurtant les camions et les facteurs et pestant contre sa mauvaise chance. Il acheta le Times et regarda instinctivement à la seconde colonne avec un intérêt maladif les avertissements sur les gens disparus, fils, frères, mari, qui avaient abandonné leur demeure pour n'y retourner jamais, ou dont on ne devait plus entendre parler. Il y avait l'annonce d'un jeune homme qui avait été trouvé noyé quelque part sur le rivage de Lambeth. Pourquoi George n'aurait-il pas eu le même sort? Non. La dépêche télégraphique impliquait son beau-père dans le fait de sa disparition, et toute conjecture sur lui devait partir de ce point unique. Il était 8 heures du soir lorsque Robert arriva à Liverpool, trop tard pour faire autre chose que de s'enquérir des bâtiments qu'avait mis à la voile pour les antipodes durant les 2 derniers jours. Un vaisseau d'émigrants était parti à 4 heures cet après-midi, le Victoria Regia, chargé pour Melbourne. Le résultat de son enquête se réduisit à ceci. S'il avait besoin de savoir qui s'était embarqué sur le Victoria Regia, il devait attendre jusqu'au lendemain matin et prendre des informations sur ce vaisseau. Robert Audley était au bureau le lendemain matin à 9 heures et fut la première personne qui entra après les employés. Il rencontra toute espèce de politesse dans l'employé à qui il s'adressa. Le jeune homme consulta ses livres et suivant de haut en bas avec sa plume la liste des passagers qui étaient montés sur le Victoria Regia, dit à Robert qu'il n'y en avait pas un seul parmi eux du nom de George Talboys. Il poussa plus loin ses demandes d'informations. Se trouvait-il un passager qui eût fait inscrire ses noms quelques instants avant le départ du bâtiment? L'un des autres employés leva la tête de dessus son pupitre à la question faite par Robert. « Oui, » dit-il. Il se rappelait un jeune homme qui était entré dans le bureau à 3h30 de l'après-midi et qui avait payé sa traversée. Son nom était le dernier sur la liste, Thomas Brown. Robert Audley haussa les épaules. Il ne pouvait pas y avoir de raison plausible pour que George prît un nom supposé. Il demanda à l'employé qui avait parlé le dernier s'il pouvait se souvenir de la tournure de ce monsieur Thomas Brown. Non, le bureau était encombré en ce moment. Le monde entrait et sortait. Je n'ai fait aucune attention particulière à ce dernier passager. Robert les remercia pour leur obligeance et leur souhaita le bonjour. Comme il allait quitter le bureau, un des jeunes gens le rappela. Ah, à propos, monsieur, je me rappelle une circonstance sur ce monsieur Thomas Brown. Son bras était en écharpe. Monsieur Robert Audley n'avait plus rien à faire que de retourner à Londres. Il rentra chez lui à 6 heures le même soir, complètement harassé, une fois encore, par ses recherches inutiles. Mrs. Maloney lui apporta son dîner et une pinte de vin d'une taverne du Strand. La soirée était froide et humide, et la femme de ménage avait allumé un bon feu dans le foyer du salon. Après avoir mangé à peu près la moitié d'une côtelette de mouton, Robert resta assis, son vin intact sur la table devant lui, fumant des cigares et les yeux fixés sur le feu. « George Talboys n'est pas parti pour l'Australie, » dit-il après une longue et pénible réflexion. « S'il est vivant, il est encore en Angleterre, et s'il est mort, son corps est caché dans quelque coin de l'Angleterre. » Il resta pendant des heures à fumer et à penser. De confuses et lugubres pensées laissaient sur son visage chagrin une ombre noire qui ne purent dissiper ni la brillante lumière de la lampe à gaz, ni la flamme rouge du feu. Très tard, dans la soirée, il se leva de sa chaise, recula la table, avança son bureau près du foyer, sortit une feuille de papier collier et trempa une plume dans l'encre. Mais, après avoir fait tout ceci, il s'arrêta, posa son front sur ses mains et se replongea dans ses réflexions. Je rédigerai un rapport de tout ce qui est arrivé depuis notre descente dans les sexes et ce soir, en commençant par le vrai commencement. Il rédigea ce rapport en courtes phrases détachées qu'il numérotait en les écrivant. Il était ainsi conçu. Journal des faits se rattachant à la disparition de George Talboys, y compris les faits qui ont aussi des relations apparentes avec cette circonstance. Malgré l'état chagrin de son esprit, il était presque disposé à s'enorgueillir de la tournure officielle de ce titre. Il resta quelque temps à le considérer avec tendresse, l'extrémité de sa plume dans sa bouche. « Sur ma parole, dit-il, je commence à croire que j'aurais dû poursuivre ma profession au lieu de gaspiller ma vie comme je l'ai fait. » Il fuma la moitié d'un cigare avant d'avoir mis ses idées en ordre convenable, et alors il commença à décrire. « 1. J'écris à Alicia et je lui propose d'amener avec moi George au château. 2. Alicia écrit l'opposition faite à cette visite par Lady Audley. 3. Nous allons dans l'Essex en dépit de cette opposition. Je vois Milady. Milady refuse d'être présentée à George dans cette même soirée sous prétexte de fatigue. 4. Sir Michael a mis George et moi à dîner pour le lendemain. 5. Milady reçoit une dépêche télégraphique le lendemain matin qui l'appelle à Londres. 6. Alicia me montre une lettre de Milady dans laquelle elle l'a prie de lui faire savoir quand moi et mon ami M. Talboys avons l'intention de quitter l'Essex. À cette lettre est joint un post-scriptum réitérant la prière ci-dessus. 7. Nous allons au château et demandons à voir l'habitation. Les appartements de Milady sont fermés à clé. 8. Nous pénétrons dans ces sudis appartements par un passage secret dont l'existence est ignorée de Milady. Dans l'une des pièces, nous trouvons son portrait. 9. George est effrayé de l'orage. Sa conduite est excessivement étrange pendant le reste de la soirée. 10. George est complètement revenu à lui le matin suivant. Je propose de quitter Audley immédiatement. Il préfère rester jusqu'au soir. 11. Nous allons à la pêche. George me laisse pour se rendre au château. 12. Le dernier renseignement positif que je puis obtenir sur lui dans l'Essex, c'est au château, où le domestique me déclare qu'il croit que M. Talboys lui a dit qu'il allait chercher Milady dans la campagne. 13. Je reçois sur lui, à la station, des renseignements qui peuvent être ou n'être pas exacts. 14. J'apprends de ses nouvelles positives encore une fois, à Southampton, où, suivant son beau-père, il est resté pendant une heure, la nuit précédente. 15. La dépêche télégraphique. Lorsque Robert eut complété ce court rapport, qu'il rédigea avec mûre délibération, en s'arrêtant fréquemment pour réfléchir, changer, raturer, il resta longtemps à contempler la page écrite. Enfin, il la parcourut avec attention, s'arrêtant à quelques-uns des nombreux paragraphes et en marquant plusieurs d'une croix au crayon. Puis il plia la feuille de papier collier, passa dans le cabinet du côté opposé de la pièce, l'ouvrit, et plaça le papier dans ce même casier dans lequel il avait jeté la lettre d'Alicia, le casier étiqueté « Important ». Ayant accompli tout cela, il retourna son fauteuil à côté du feu, recula son bureau et alluma un cigare. « C'est aussi obscur que minuit du commencement à la fin, » dit-il, « et le fil du mystère doit commencer à Southampton ou dans l'Essex. Qu'il en soit ce qu'il pourra, ma résolution est prise. J'irai d'abord à Audley, et je chercherai George dans un petit rayon. »